Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 66. De l'ordre de la création par rapport à la distinction. État de la matière au moment de sa création, s'il y a plusieurs sortes de matière. Création du ciel et du temps. 1. La matière informa-t-elle précédé la matière formée? Saint Augustin a dit, dans de la Genèse, que l'état informe de la matière corporelle n'a pas précédé temporairement la matière formée. Saint Basile, dans l'Hexaéméron, et les autres pères pensent le contraire. Mais, par l'état informe, Saint Augustin entend l'absence de toute forme, et, à ce point de vue, il est réellement impossible que la matière ait existé sans forme, autant vaudrait dire qu'elle n'existait pas. Les autres pères entendent que la matière a existé à l'état informe avant d'être revêtue des ornements et de la beauté qui brillèrent plus tard dans la créature corporelle. On voit que les deux opinions, quoique contraires en apparence, diffèrent peu l'une de l'autre pour le fond. Note. Dans le principe, il manquait à la terre la beauté de la lumière, du sol et des végétaux, voilà pourquoi on peut dire qu'elle était à l'état informe. La sagesse divine, qui n'avait pas agi de la sorte par impuissance, voulait aller de l'imparfait au parfait. La création, tout informe qu'elle était au début, ne ressemblait point cependant au chaos des Grecs, car, avant l'œuvre de distinction proprement dite, l'Écriture sainte nous signale une distinction entre le ciel et la terre, une autre entre les formes des choses, puisque le ciel n'était pas la terre, une troisième dans la situation des éléments, car la terre était sous les eaux. Fin de la note. 2. N'y a-t-il qu'une même matière pour tous les êtres corporels? Les corps célestes et les corps terrestres n'ont pas la même matière, les premiers sont exempts de la corruption, à laquelle les corps inférieurs sont sujets. Il n'est pas possible qu'un corps naturellement incorruptible ait la même matière qu'un corps corruptible. 3. Le ciel empyré a-t-il été créé avec la matière informe? Dans ses paroles, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1, le mot ciel, selon Strabus, signifie l'empyré ou ciel de feu, et non pas le firmament que nous voyons. Bède et Saint Basile sont du même avis. Le ciel empyré, selon ces trois auteurs, n'est autre que le séjour des bienheureux, lequel fut immédiatement peuplé par les anges, dont les saints doivent partager la béatitude et la gloire. Ce sentiment n'est pas dénué de fondement, car, puisque la gloire spirituelle a commencé dès l'origine dans les anges, il convenait que la gloire corporelle, qui doit s'appliquer non seulement au corps humain, mais au renouvellement de tout l'univers, commença aussi dès le principe, et qu'il y eut un lieu corporel, entièrement lucide, pour recevoir les êtres revêtus d'un corps après la résurrection. Aussi le ciel dont il est question ici se nomme-t-il empyré, c'est-à-dire ciel de feu, à raison de sa clarté, et non à cause de sa chaleur. Note. Ordonné par rapport à l'état de la gloire, ce ciel n'a peut-être aucune influence sur les corps inférieurs, mais on peut croire aussi qu'il exerce une certaine action sur eux, bien qu'il soit lui-même immobile. Fin de la note. 4. Le temps a-t-il été créé avec la matière informe? Les pères reconnaissent que quatre choses ont fait partie de la première création, le ciel, les anges, la matière informe et le temps. Saint Augustin n'en admet que deux, l'ange et la matière. Mais, dans le sentiment unanime des autres, L'informité de la matière ayant précédé temporairement sa formation et son ornement, il y eut alors une certaine durée qui ne se conçoit pas sans l'idée du temps. Note. Le temps, comme la matière elle-même, fut d'abord informe, pour ainsi parler, puis formé et mesuré par le jour et la nuit. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.